tomber, tu pourras pas me raisonner. J'ai déjà la plus belle à mes côtés, à l'ensemble. Baby n'a pas confiance aux autres. Elle préfère bisous qu'un acato. Oh. Let's go. J'vois des mimi mimi boy. Right. Mimi mimi boy. Let's go. Mimi mimi boy. Right. Mimi mimi boy. Okay. Fais la folie, j'te fais tomber par terre. Check. Quand ta visite, ton cœur est en fer. Tu veux les bouger fort. Plan B pour ta chérie. Devant toi, ton homme fort, oui. J'ai bien kiffé mes bons chimies. Let's go. Ah ah ah, c'est ta main. Ah, ah, parle-moi. Ah, ah, je suis là. Ah ah ah, ah, ah c'est ta main. Ah, ah, parle-moi. Ah, je suis là. Ah ah, wow. Let's go. Ah, le mauvais Joe, il me fait parler. Baby, oui, ce que t'as sur toi, c'est pour me tuer. Là, je t'emmène danser, faut pas t'en aller. Sur le pâté, je fais l'oser, j'ai tout avalé. Je crois que t'as reçu mon message. Ah ah ah, je fais tout pour toi. Dis pas que c'est moi le mauvais Joe, Joe, Joe. Non, non, dis pas que c'est moi le mauvais Joe. Baby, crois-moi, j'essaie, parfois j'essaie, baby. Tu deviennes ma baby, deviennes ma baby. J'espère que tu captes le message. Quand je garde la job, j'espère que tu captes le message. Dans ta vie, je suis pas de passage. Suis-moi, tu vas pas regretter. Ah, ah, ah,